Bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal et toutes les deux semaines, j'invite dans ce podcast une personne engagée avec laquelle nous allons discuter des nouvelles croissances qui nous attendent dans la société durable, solidaire et joyeuse de demain. L'utopiste en moi en est persuadé. Non seulement demain n'est pas foutu, mais le futur peut même se révéler être bien plus enthousiasmant que ce que nous connaissons actuellement. Et pour dire au revoir à l'état de crise permanent, il est temps de se mettre à la hauteur des enjeux de notre siècle et ça commence par faire de nos rêves des stratégies. Bon voyage. Bon voyage. Bonjour Diane Dupré-Latour. Bonjour. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette nouvelle saison, le podcast il est encore et toujours soutenu par la NEF. La NEF, c'est une banque éthique coopérative. Ça fait des années que je vous le dis, mais je le répète. La NEF, grâce à son épargne, elle finance exclusivement des projets écologiques, sociaux et culturels. C'est la banque des 2030 Glorieuses. Elle est coopérative parce qu'elle appartient à ses sociétaires, elle est éthique parce qu'elle met en avant le circuit court de l'argent, elle est transparente parce qu'elle est la seule banque française à publier l'intégralité de ses financements. Est-ce que tu connais la NEF, toi, Diane ? Bien sûr. Hein, on en reparlera. Et la NEF, elle me permet d'interviewer des gens extraordinaires. Diane, vous avez entendu sa voix, je vais lui donner la parole, mais je vous passe quand même ce message. Moi, je suis fier d'être financé par la NEF pour ce podcast. Ouvrez un livret chez eux et ça fait du bien, je vous le promets, d'être un peu fier de la banque qui nous soutient et à qui on confie son argent. Voilà, ça c'est dit. Diane, je te donne la parole aujourd'hui. Ça fait longtemps, on en parlait en off, que le destin me dit, il faut absolument que tu parles à Diane. Tu es autrice de Comme à la maison chez Actes Sud, qui a été publié le livre en 2024. Tu es cofondatrice, coprésidente, il me semble, des Petites Cantines. Tu es porte-parole de l'opération Milliard. Je vous fais un mini-teasing en aparté. Bastien Sibylle nous en parlera dans un autre épisode du podcast qui a peut-être d'ailleurs déjà été diffusé. Ensemble, Diane, nous allons parler d'engagement, de confiance, surtout de confiance, comme la valeur éthique centrale pour remplacer la performance. Pour commencer, Diane, je te pose la question que je pose à tous mes invités. Tu es dans un événement. Des personnes ne te connaîtraient pas et arriveraient vers toi en te posant cette question fatidique. Alors, qu'est-ce que toi, tu fais dans la vie ? Je ne sais pas si ça t'arrive encore, mais qu'est-ce que tu réponds quand on te demande ça ? Moi, je travaille dans la restauration. Ça me fait marrer de répondre ça, en fait. Parce que déjà, en général, quand je dis ça, ça éveille la curiosité, ça éveille de l'intérêt, de la sympathie. Et les gens, ils ont envie de parler avec moi. Peut-être beaucoup plus que si je leur disais « moi, je travaille aux impôts ». Ce qui n'est pas déjà, ton cas, en ça, l'occurrence. C'est bien, ce qui n'est pas mon cas. Et puis, ça me fait marrer parce que je me dis que dans leur tête, quand je dis que je travaille dans la restauration, il y a tout un imaginaire qui se crée. Et ce n'est pas tout à fait la réalité de mon travail aujourd'hui. Moi, je ne travaille pas au quotidien dans un restaurant, mais il se trouve qu'avec les petites cantines, avec Étienne Touvenot, on a monté des restaurants qui ont trois particularités. Ils sont participatifs, à prix libre et en alimentation engagée. Et ça, ça crée une réalité du travail quotidien qui est très différent de quand on dit « je travaille dans la restauration ». Donc ça, ça me fait marrer. Et puis le troisième truc, c'est que je travaille vraiment dans la restauration. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression de restaurer. J'ai l'impression que c'est ça le cœur de mon métier. Et donc, restauration, c'est le bon mot pour décrire mon quotidien. Est-ce que quand tu dis restaurer, tu parles que de restaurer les estomacs ? J'ai pas l'impression, non ? Bah, c'est restaurer le lien. Restaurer le lien pour moi, autour de moi, à ma hauteur dans la société, dans mon quartier. Ouais, c'est restaurer les relations, en fait. Mmh. Est-ce que c'était conscient d'utiliser l'alimentation comme un prétexte, comme un aimant pour faire vivre, malgré elle, à ces personnes, ces expérimentations comme ça? C'est les écolo-humanistes qui sont à Lyon, qui m'avaient formé à la coopération et qui avaient utilisé cette expression que je reprends à toutes les sauces maintenant. Et eux, ils disaient qu'avec Animacop, ils faisaient vivre une expérience irréversible de coopération. Est-ce que toi, tu fais vivre comme ça, de manière un peu, pas, j'allais dire sournoise, non, mais cachée, une expérience irréversible de restauration, de lien, de confiance, tu dirais comme ça? Oui, je dirais que les gens viennent dans nos restaurants pour répondre à un besoin, qui est un besoin qui est conscientisé, qui est celui de se nourrir et de se nourrir bien. Et que quand ils repartent, ils réalisent qu'ils ont répondu à un autre besoin, mais non conscientisé, qui est celui de se sentir relié. Et que c'est celui-là qui les nourrit tout autant que ce qu'ils avaient dans l'assiette. Oui, donc on rend explicite ce qui était implicite, mais qu'ils savaient au fond d'eux. Est-ce que c'est une expérience irréversible? Je ne sais pas. C'est plus comme l'appétit, comme une odeur qui vient chatouiller les narines. Ça vient titiller. Et puis hop, l'appétit arrive. Moi, j'aime bien l'image du sachet de thé. Le sachet de thé, une fois qu'on l'a trempé dans l'eau, paf, la couleur se diffuse et on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut pas faire re-rentrer, tu as raison. Hein, on ne pourra jamais revenir comme avant. C'est là, quoi qu'il arrive. Ouais, j'aime bien l'image du sachet de thé. Je suis très visuel, ça y est, je l'ai en tête, ça me plaît bien. Moi, j'aime bien dire que, contrairement à ce qu'on dit des années à venir qui pourraient enfin potentiellement se mettre à la hauteur des enjeux de notre siècle et qu'on présente, qu'on limite à être décroissante, on présente souvent la décroissance comme voilà, le moyen de parvenir à faire en sorte qu'on vive de manière encore durable sur cette planète dans les décennies à venir. Moi, j'aime bien dire que c'est notre époque actuelle qui est décroissante de créativité, de solidarité, de liens, de plein de choses. Est-ce que toi, tu as identifié ça? Est-ce que tu aurais tendance à dire que tu travailles à lutter contre une décroissance de notre époque actuelle et qu'en creux, tu travailles en fait de manière beaucoup plus conséquente à deux nouvelles croissances? Est-ce que tu as déjà mis des mots là-dessus? Alors, moi, c'est clair que j'ai la gagne. En fait, j'aime bien réussir. J'aime bien... Et donc, j'ai envie qu'il y ait un truc. J'ai envie qu'il y ait quelque chose, quoi. Donc... c'est très rare que je me définisse comme quelqu'un qui lutte contre quelque chose. Je suis plutôt comme toi, là, dans le... Qu'est-ce qui a changé en mieux, quoi. Et je pense que, pour moi, en tout cas, et j'essaye pour les personnes autour de moi, j'ai gagné un accroissement de l'existence. C'est-à-dire que ma vie, aujourd'hui, elle est mille fois plus dense, mille fois plus belle, mille fois plus joyeuse que ce que j'ai connu avant. Et ça, je me suis beaucoup gratouillé la tête en me disant « Mais c'est quoi? C'est quoi qu'il y a en plus dans ma vie que j'avais pas avant ?» Et je pense que c'est ce petit ingrédient... qui paye pas de mine ou qu'on a tendance à regarder de manière peut-être un petit peu pas condescendante, mais un peu rapide, un peu oui, et c'est la confiance. C'est la confiance. On pourrait en parler des heures. J'ai pas forcément envie de rentrer dedans de manière frontale, parce que je sais que quand il suffit que je pose le mot confiance pour que tout de suite, il y ait plein d'autres mots qui se greffent autour. Par exemple, la notion de risque, la notion de temps, la notion de sécurité. L'idée que la confiance, elle se gagne, qu'il faut en être digne, qu'elle se mérite. Mais moi, c'est pas ça mon expérience de la confiance. J'aime bien l'idée du podcast parce que je trouve qu'il rend les personnes qui nous écoutent actives. Là où d'habitude on regarde une vidéo, je trouve qu'on subit un peu la vidéo et on se laisse emprisonner par l'imaginaire de l'image. Alors qu'avec le podcast, en fait, c'est à nous, tu vois. Là, en l'occurrence, c'est aux personnes qui nous écoutent d'imaginer, de se projeter. Et donc, parce qu'elles font ce travail-là, bah, elles s'approprient encore mieux et ça les met en mouvement. Mais je le regrette un peu parce que quand je te vois parler de la confiance, tu t'illumines d'une telle manière que je me dis qu'en vidéo, ça rendrait bien et peut-être que ça ferait toucher du doigt peut-être encore plus fort ce que tu essaies d'exprimer et qui, en l'occurrence, là, je trouve, passe pas forcément que par les mots. On va quand même essayer d'arriver à utiliser des mots pour passer ça, même si l'intonation de notre voix contribue aussi à faire passer notre message. Je te rejoins. C'est très compliqué de faire passer la confiance par les mots. Et c'est pour ça que le repas, c'est une expérience. Et je trouve que c'est... je ne connais pas de moment ou d'expérience plus simple et plus universelle que le moment du repas pour transmettre cette expérience qui est une expérience hautement contagieuse, quoi. Il suffit que tu l'aies expérimenté une fois pour que hop, de boule de neige en boule de neige, tu as envie de le transmettre toi aussi à nouveau. Et c'est ça qui est génial avec le repas, c'est que normalement, il revient au moins 3 fois par jour. Et donc là, il y a une sorte de marteau-thérapie qui peut être chouette aussi, parce que peut-être que des personnes au début ne seraient pas prêtes à le ressentir, à le laisser rentrer, ou seraient trop chargées pour percevoir toute la puissance de ça. Mais en fait, bah, ça va revenir encore et puis encore et encore. Et puis à un moment, ça va percer, ça va marcher, ça va infuser. Ça m'intéresse que tu dises le repas, c'est 3 fois par jour. C'est étonnant qu'on soit dans une société qui a décidé que le repas, ce serait 3 fois par jour. J'ai dit au moins, oui. Hein, parce que moi, c'est plus que 3 fois par jour, mais bon. Bon, allez, va dire au moins 1 fois par jour, on va dire ça. Et en fait, c'est l'idée derrière qu'on s'est dit, on va tous manger à peu près à la même heure. Tu imagines la puissance du rituel partagé. On va tous reprendre des forces au même moment. Donc ça nous ouvre une possibilité de temps partagé qui potentiellement ne laisse personne de côté. C'est incroyable le potentiel de reliance qu'il y a derrière le repas. La manière dont ça s'est inséré dans notre civilisation, voire c'est la civilisation qui se construit autour de nos repas. On a tous besoin de manger. Mais on n'a pas tous le même rapport au repas, à l'alimentation, suivant nos convictions religieuses, les régimes médicaux, l'âge, le parcours de vie, la culture, etc. Donc c'est aussi très profondément intime. T'imagines le trait d'union. Moi, ce que j'ai besoin de comprendre, c'est pourquoi ce lien entre restauration et confiance. Dans le podcast, j'ai déjà donné la parole à d'autres personnes qui se présentent comme restaurateurs, restauratrices, notamment Vanessa Krisev, qui fait ça très bien avec le réchaud. Et elle se présente comme restauratrice solidaire à Paris. Elle fait travailler des personnes souvent réfugiées pour leur donner l'opportunité, grâce à leur travail, de trouver un lien, de trouver une place, d'être visible. Et là, la restauration, elle trouve un prétexte formidable et j'allais dire au moins un double emploi, voire un triple emploi. Pourquoi la restauration de la confiance ? Raconte-moi tous ces effets qui terminent par te donner la possibilité d'utiliser ce mot confiance. C'est pas parce que on vit un repas partagé que c'est forcément que ça se passe bien. Il y a eu des travaux de recherche sur ce sujet. Tu mets plusieurs personnes âgées autour de la table. Le repas a beau être délicieux et tout le monde a beau y mettre du sien, c'est pas forcément une expérience de bien-être. Tu as peut-être connu des repas de famille qui partent en pugilat. On sait aussi les liens entre anorexie, parfois environnement familial, etc. Donc, quand on a posé les mots de repas ou les mots de lien social, c'est pas la fin de la recette. La question, c'est quelles sont les conditions à réunir pour que ce moment se passe bien. Et là, se sont mélangés trois apports, en fait, trois choses qui m'ont nourri. D'une part, les convives des petites cantines. Je suis retournée responsable de cantine pendant un an après la crise du Covid. Et j'ai tendu l'oreille. Qu'est-ce qui fait qu'une rencontre se passe bien ou qu'elle ne se passe pas bien ? Qu'est-ce qui fait que tu es sorti de chez toi pour venir ici ? Qu'est-ce qui fait que tu parles à une personne avec qui tu n'avais potentiellement aucune affinité ? Qu'est-ce qui fait qu'ici, tu laisses ton sac à main au vestiaire et tu restes pas agrippé à lui? Qu'est-ce qui fait que tu oses manger ce plat que tu ne connaissais pas? Voilà. Et puis, c'est là qu'est arrivé le mot confiance. Alors, je me suis dit, ok, c'est quoi la confiance? Donc, on a monté un conseil académique avec les petites cantines. On a réuni 5 chercheurs, des philosophes, des sociologues, des chercheurs dans les sciences de la transition, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ces relations. Écouter ce qu'ils nous disent au niveau académique. Et là, j'ai rencontré notamment un chercheur qui est basé à Bruxelles, qui s'appelle Marc Ougnadi, qui est philosophe du numérique et qui a qui a fait tout un état de l'art de la pensée occidentale sur la question de la confiance et qui apporte un regard critique aujourd'hui sur nos sociétés. Donc ça m'a beaucoup nourri, son regard. Et puis, il y avait mon expérience personnelle, parce qu'on ne peut jamais se défaire de nos expériences personnelles. Nos points de vue sont toujours situés et quand on se passionne pour un sujet, c'est toujours intéressant de se dire pourquoi, quoi. Et là, il y a un auteur russe qui parle, il y a une expression, il dit « on a tous une plaie sacrée ». Une plaie sacrée, c'est-à-dire une blessure. Et on va être dans cette quête de guérir ça par tous les moyens, de manière consciente ou inconsciente, etc. Et moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui résonne pour moi. À un moment de ma vie, je me suis retrouvée à me dire je peux plus faire confiance. C'était trop dur pour moi. J'ai vraiment le sentiment de ne même plus adhérer au monde. Je ne faisais plus confiance à ce que je voyais, à ce que je ressentais. Je doutais de moi à tel point que je pense que j'ai frôlé le fait d'être interné en hôpital psychiatrique tellement je me sentais en dissonance de moi à moi. Et j'avais énormément de difficultés à faire confiance autour de moi. Et j'avais l'impression d'être à la surface de ma vie. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, en fait, j'ai gagné en accroissement de l'existence. C'est que j'ai plus ça, en fait. J'ai plus ça. Et c'est un peu, moi, j'aime bien, tu parlais d'image tout à l'heure, j'aime bien l'image de la slackline. Tu vois ce que c'est une slackline? Ouais, voilà. Content entre les arbres, entre les en général. Il y en a qui entendent des beaucoup plus hauts, voilà. Ouais, ça va, toi. Et en fait, cette sensation, tu vois, de marcher sur cette bande élastique au-dessus du vide, qui bouge dans tous les sens, qui est élastique. Donc, ça monte, ça descend un peu. Et t'avances comme ça, et t'avances dans le vide. Et il y en a qui y arrivent, en fait, à traverser ça, à traverser un océan de vide, en se concentrant sur, tu vois, le fait de suivre ce fil minuscule auquel on s'accroche comme on s'accrocherait à un accrobranche, en fait. Et pour moi, c'est suivre ce fil-là, ce fil de la confiance qui est tellement ténu, c'est vraiment une ligne de crête. Ça nous fait traverser des espaces inconnus. Et je crois aujourd'hui qu'après quelques années d'exploration, je suis arrivé à une définition qui me convient de la confiance. Allez, tu nous la teases. Pour moi, la confiance, c'est un pari sur la valeur de la relation. La confiance, c'est un pari sur la valeur de la relation. C'est un pari. Ça veut dire que déjà, j'ai accepté que je ne sais pas. C'est fondé sur « je ne sais pas ». J'ai accepté que je ne suis pas toute puissante. Je ne sais pas. Donc c'est un pari. Sur la valeur de la relation. C'est-à-dire souvent, on se dit la valeur, elle est dans le produit, dans le service, dans chez moi, ou tu vois, est-ce que je suis valable? Enfin, cette question permanente qui nous met sous emprise de la société de consommation, etc. Mais là, non, elle est ni chez toi, ni chez moi. Elle est dans la relation qu'on va tisser ensemble. On a déplacé les projecteurs de la valeur pour mettre le focus sur la relation. Et la puissance de ça, ça veut dire que, en fait, si on se dit qu'un système, c'est une somme de relations, enfin une somme, c'est pas une somme, je sais pas comment dire, c'est un plat de spaghettis de relations, Eh ben, au lieu d'essayer de te changer toi, ou de me changer moi, à toute force de volontarisme et en me lamentant sur tous mes échecs, eh ben, je vais juste essayer de regarder ce qui se passe dans la relation. Et quand je touche à la relation, eh ben, c'est tout le système qui bouge, sans violence. Et ce sans violence, pour moi, c'est l'enjeu auquel on est confronté aujourd'hui. Il n'y a rien qui va dans ce que tu nous dis, Diane. Je suis désolé, mais les médias, ils nous disent que l'autre, c'est le risque, c'est la peur, c'est la menace, que la violence, elle est de partout. Et donc, qu'il faut mieux rester chez soi, que le confort, c'est d'être sur son canapé, de scroller sur son téléphone à l'infini, que la réussite, c'est d'être dans des condominiums, des maisons, avec des gardes, des murs de 3 mètres de haut. Tu t'adresses là en étant presque à l'opposé du modèle de réussite qui est véhiculé par les médias classiques, le cinéma, tout ça. Là. C'est n'importe quoi ce que tu dis, c'est n'importe quoi ce que tu fais. Comment on peut te croire ? T'es la seule à dire ça. Des personnes qui vont nous écouter, elles auront dû affronter tout l'inverse comme message dès le début à la radio jusqu'au soir devant leur télévision. Mais de quel média tu nous parles ? Tu nous parles d'une poignée de journalistes parisiens qui n'ont pas passé le périph. C'est pas vrai. Je blague. Hein. Bien sûr que moi-même, j'ai été journaliste pendant 12 ans, donc Dieu sait combien j'ai chéri cette profession. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai changé de média. Maintenant, je suis avec ce média du repas. Voilà. Donc, c'est à nous de choisir aussi les médias qui nous conviennent. Et je rencontre souvent des personnes qui sont en reconversion et qui créent des médias d'hyper-proximité et qui font un travail incroyable parce qu'elles permettent aux habitants de connaître ce qui se passe à côté de chez elles. Des initiatives de dingue auxquelles elles peuvent aller, parce que quand on vous parle d'un truc qui est à Pétaouchnok, en fait, vous n'allez jamais y aller. Vous... Tu comprends voilà, que je caricature. Voilà. Et qu'on a Cop Media, notamment pour citer qu'eux, qui font un super travail de médias indépendants, etc. Mais tu quand même es d'accord que ce n'est pas le message qui flotte dans l'époque de se dire qu'on doit avoir confiance dans les autres et que c'est ça qui fait la richesse de nos pays, la richesse de nos vies. Ce n'est pas le message premier qui arrive en ce moment. En fait, non seulement ce n'est pas le message premier... mais en plus, le mot confiance n'a jamais été aussi présent et il est complètement vidé de son sens et galvaudé. On va le retrouver sur des affiches de je sais pas, courtier en immobilier, de je sais pas quoi. Enfin, bon, dès qu'ils veulent vous vendre un truc, faut y aller en confiance, quoi. Donc voilà, c'est devenu juste hyper suspect de parler de confiance. Il suffit de prononcer le mot pour que les gens se méfient. Mais en plus. Si je reprends ce penseur-là dont je te parlais tout à l'heure, le philosophe du numérique, Marc Ougnadi, lui, après avoir fait toute son étude sur la confiance, il a dit « Mais en fait, quand on regarde notre société du numérique, en tout cas l'usage qu'on fait aujourd'hui du numérique, il fait bien pire que d'attaquer les relations de confiance. Il nous apprend à nous en passer. Il nous apprend à faire sans. C'est-à-dire, je veux quelque chose, grâce au numérique, je clique, j'ai, et normalement, je suis. Enfin, l'attente, c'est d'être heureux derrière. Donc, ça veut dire que j'ai les choses sans avoir à passer par ce que je perçois comme un risque, c'est-à-dire la relation. Il n'y a pas plus risqué que la relation humaine, parce que je ne maîtrise absolument pas ce qui va se passer en face. Et ça vient me chercher à l'intérieur de moi, hein, parce que ce qu'on ne conscientise pas, c'est que la relation, c'est pas juste un bout de ficelle entre toi et moi. C'est un bien qui m'est essentiel. C'est-à-dire, tu m'enlèves ça, je meurs. Non, bah, c'est ce que dit, tu sais, cette plus longue étude d'Harvard qui montre que le bonheur, c'est lié à trois choses. L'autre, l'autre et l'autre. Et que c'est, il me semble, des relations de qualité qui durent sur le temps long. C'est ça. Donc, s'il n'y a pas que la confiance qui transpire de tout ça, on n'y est pas, tu vois. Alors, là, c'est très, très vrai ce que tu dis. Sur les relations interpersonnelles, la relation à l'autre. Mais on peut très bien prendre la relation au global en incluant la relation à soi, qui va se traduire par le mot solitude. On peut très bien introduire la relation à un produit, la relation à ma voiture, là on est en train de boire une tisane, la relation à, tu vois, tu n'as pas vérifié. C'est vrai, que je t'ai même pas regardé en train d'en boire avant même d'arriver, tu aurais pu carrément m'empoisonner. Dans un bar, tu es une jeune femme, il faut t'assurer que voilà. La relation à une institution, tu vois, là je viens d'aller voir un film magnifique avec Vincent Lindon qui s'appelle Jouer avec le feu. Et à un moment, on entend, donc ça traite d'un jeune qui tombe sous emprise de l'ultra-droite. Et à un moment, on entend le jeune qui dit « Je n'ai plus confiance dans la justice ». Donc ça questionne la relation à une institution, à un modèle socio-économique. Donc la relation, c'est pas juste de toi à moi, c'est aussi notre relation au monde. À partir du moment où on parle de notre relation au monde, on parle de quelle est notre capacité à agir dans le monde. Marc Ougnadi, il dit « La confiance, c'est ce dans quoi nous séjournons. » Ça veut dire que la face jumelle de la pièce, c'est pas tant... Enfin, l'inverse de la confiance, c'est pas tant la méfiance. Parce que le doute, c'est sain. Tu vois, le doute, c'est sain. Peut-être toi, tu vas te faire l'avocat du diable parce que tu vas vouloir me pousser dans mes retranchements, parce que ça va nous permettre ensemble d'aller plus loin dans la réflexion. Donc ça, c'est sain. Mais l'inverse de la confiance, c'est bien plutôt l'inaction. Je ne suis pas trop sûr de la solidité de cette chaise. Oui, j'allais dire ça. J'allais dire que ça présuppose la mise en danger comme presque comme une sorte de d'appétit, comme tu disais, tu utilisais ce mot d'appétit. Moi, je voyais ça comme un goût de l'inconnu. Et aujourd'hui, on est dans une société, mais on en parlera parce que j'ai plein de questions que j'ai envie de te poser. Mais on va en parler depuis les 2030 glorieuses pour raconter comment on a pris goût à la mise en danger. On la recherche, on l'accueille et qu'elle est justement derrière étincelle de plein de choses, de plein de richesses et notamment cette confiance. On va en parler. J'avais quand même une dernière question pour toi. On est un peu plus long que d'habitude sur cette première partie, mais tout ce que tu développes mérite du temps et donc je suis très content de te l'accorder et je suis sûr que les personnes qui sont avec nous sont très contentes aussi de t'entendre détailler pourquoi cette confiance. J'aimerais bien que tu nous donnes des exemples de cette confiance. Tu disais notamment quand tu as repris un peu cette place centrale après le Covid dans une des petites cantines, parce que ce que tu nous as pas dit, c'est qu'il y en a partout en France des petites cantines que les gens peuvent aller retrouver sur un site internet, toutes les informations, et que c'est ouvert au plus grand nombre. Mais ça, c'est des informations qu'on trouve facilement, donc on va pas trop passer de temps à en parler. Dis-moi, donne-moi s'il te plaît quelques exemples concrets s'ils viennent, des moments où tu as vu l'incarnation, cette confiance briller de mille feux. Oui, par exemple dans nos restaurants dont tu parles, tout le modèle économique est fondé sur le prix libre. Ça veut dire que c'est le client qui fixe le prix. Et des clients, on en a... moi, je ne suis pas allé regarder leur pouvoir d'achat, tu vois. Mais bon, on a tous les parcours de vie, toutes les générations. Et bien, tous les salaires des responsables de cantine, donc les cadres qui s'occupent des restaurants, les loyers, l'approvisionnement, les charges, etc., tout ça repose sur le prix libre. Et tu sais quoi ? Ça marche. Et les gens, ils ne sont pas plus gentils, plus méchants, plus riches, plus pauvres qu'ailleurs. C'est les gens, quoi. C'est simplement, on a fait le pari de la confiance, pas que les gens allaient tous se montrer hyper responsables, en fait. C'était pas ça. Mais que si on plaçait la richesse relationnelle en premier, toutes les autres richesses allaient en découler. Que la richesse économique, elle était très importante et que nous, je peux te dire que j'en ai besoin pour payer les CDI, etc. Et l'approvisionnement, tout ça. Mais elle est une conséquence et pas la cause. Donc, à chaque fois qu'on croit que c'est une cause, en fait, il faut mettre des rustines derrière tout le temps, en permanence, et ça prend une énergie et c'est extrêmement coûteux. Et quand on se dit, la relation est première, je commence par ça et on verra ce qui se passe après, c'est là que la création de richesse économique arrive. C'est marrant parce qu'on partage exactement ça avec les ateliers 2030 glorieuses qu'on anime. Tout est à prix libre et conscient. Et en fait, ça marche bien pour nous, quoi. Et je sais pas si nous, on dirait que c'est la relation qui est première ou le rêve qui est premier. Mais on s'attaque à d'abord faire bien ce qui nous est cher. Et puis ensuite, t'as raison, l'argent vient comme une conséquence. Pour prendre un deuxième exemple, peut-être hyper terre à terre et hyper concret. Bah, juste avant que tu arrives, j'avais mon lave-linge qui fuyait. Ah, oh, cata, moi, je suis pas du tout... J'ai pas du tout un profil ingénieur et tout. Moi, tu vois, un truc qui est pété, j'ai juste... j'ai deux mains gauches, en fait. Et là, OK, comment ça marche? Et là, juste... un petit texto à quelqu'un que j'avais rencontré aux petites cantines et qui m'avait laissé sa carte en me disant « Je m'appelle Alex, je suis super bricoleur, le jour où tu as un problème, tu m'appelles et on regardera ce qu'on peut faire. » Bon, bah ça, c'était il y a des années, mais j'avais toujours gardé sa carte. Mais non, c'est vrai. Et là, j'ai envoyé juste un petit texto à Alex. « Alex, SOS, on s'est rencontré aux petites cantines, on lave linge, là, faut que je trouve une solution. » Il m'a dit « Vas-y, prends-moi une photo. » Hop, et en deux photos... On a trouvé ensemble, mais j'ai trouvé, parce que lui, il était juste à distance, il n'a pas fait grand-chose. J'ai trouvé la solution. Donc, même si je crois que je ne sais pas le faire, je peux le faire. Je ne suis pas obligée d'appeler une grosse boîte qui va m'envoyer son SAV. Ça va prendre 3 jours, je n'en pourrai plus de leur répondeur téléphonique, leur machin. Enfin, non, j'ai pu le faire par moi-même, me débrouiller avec les moyens du bord et avec 3 cristaux de soude. Ça, c'est très bien terminé. C'est trop autonome, ouais. En plus. Et là, tu vois, il n'y a plus d'eau par terre. Tout est bon, quoi. Je confirme, je suis en chaussettes, tout va bien. On va partir en 2030 Glorieuse, Diane. C'est vraiment la période qui, moi, m'enthousiasme le plus. Et j'ai hâte de t'entendre, en plus, en 2030 Glorieuse. Il y a toujours quand même une respiration qui se fait par la lecture. Toi qui es autrice, en plus, j'imagine que les livres, pour toi, ils sont importants. Et pour moi, c'est vraiment des fenêtres vers des ailleurs qui nous permettent parfois de nous échapper à dessein. Ça fait du bien, de mettre de la futilité dans nos vies, mais qui aussi nous donnent des caps, des caps, je ne peux pas utiliser de meilleurs mots, vers des endroits vers lesquels on a envie d'aller. Et là, clairement, toi, tu arrives avec une lecture où tu t'es dit, waouh, les 2030 Glorieuses, ça pourrait être... Carrément. C'est le chapitre 2 des vraies richesses de Jean Giono. Que l'aube éclaire les champs, lève-toi et regarde ta solitude. Autour de toi s'élargit le terrain de ta joie et de ton noble travail. Ne t'inquiète pas du silence et de l'absence de bruits humains. Ainsi, tous les matins, tu entendras le renard qui s'éloigne dans le retrait de la nuit, le souple envolement du faucon, le cri de l'alouette, les chevaux qui tapent du pied dans l'écurie. Tu vas apprendre peu à peu à être un homme. Tu vas voir que ça signifie être le contraire de ce qu'on t'a appris à être. Tu seras d'abord dérouté par cette force qui tend à te donner la connaissance de toi-même et qui, dès l'abord, commence par te placer à ta place naturelle. Tu n'es plus au moyeu de la roue, mais dans la roue, et tu tournes avec elle. À chaque moment, les horizons que tu avais l'habitude de voir immobiles chavirent autour de toi comme à la naissance de l'univers. C'est que maintenant, l'univers est en train de naître autour de toi et qu'il t'emporte dans sa naissance. Au moment même où tu prononces le mot de solitude, tu entends les appels d'innombrables compagnons. Solitude était devenu un mot terrible. Il imaginait les frontières de tout. Et voilà que tu te sens déjà mélangé au ciel qui t'éclaire, qui s'éclaire, à l'oiseau qui vole, à la nuit qui se retire en entraînant ses renards. Les systèmes philosophiques ne s'essayent qu'à te perfectionner dans la connaissance de toi-même. Les efforts qu'on faisait pour tout expliquer et tout ordonner par rapport à toi t'avaient donné une orgueilleuse idée de ta position dans le monde. Tu croyais être le moyeu à partir duquel s'écarte la roue des choses. Comme tu ne pouvais le concevoir que dur et compact, tu t'imaginais toi-même dur et compact. Et ainsi tu le devenais, car l'imagination construit. Et tes limites se resserraient autour de toi. Je te ferai comprendre plus tard que le moyeu du monde peut être constitué par une matière de faible densité. La densité est une notion purement humaine. B. bételgeuse qui illumine les nuits a une densité 1 million de fois plus petite que celle de l'air. Des vents la parcourent, des poussières d'astres la pénètrent, et elle est toute bouillonnante des tempêtes des noirs intervalles. Elle nous apparaît cependant dans le ciel comme un clou d'or. Tu étais enfermé dans ta peau. Tu te rendais de plus en plus imperméable. Tu te flattais d'être une énorme densité. Mais les lois du monde t'obligeaient à l'obéissance. Nul ne peut vivre séparé de son milieu. Tu avais détruit tes yeux, tes oreilles, ta bouche, le pouvoir de ton corps, la sensibilité de ta peau, bouché tous les corridors de ta chair. Il ne te restait plus pour prendre contact que ton intelligence. Instinctivement, tu savais que te séparer, c'est mourir. Tu as adoré ton intelligence qui te permettait encore de joindre et ainsi de persister. Vraie richesse de Jean Giono. Jean Giono revient souvent dans les lectures qu'on nous fait pendant les 2030 Glorieuses, enfin en tout cas juste avant de partir en voyage. Pourquoi toi tu as choisi ce texte ? Moi je connais pas très bien Jean Giono, j'avais juste lu L'homme qui plantait des arbres, vu le film du Sar sur le toit. C'est mon compagnon qui me l'a donné et il m'a dit c'est magnifique, il faut que tu le lises. Et je l'avais avec moi au moment où tu m'as écrit et voilà, c'est venu comme ça. Ça marche bien pour ce voyage en 2030 glorieuse, parce que justement tu le disais à l'époque en 2025, reconstituer la confiance, c'était quelque chose qui devait aussi passer par l'intime, par nos sens, pas simplement par l'intellect. Vous à l'époque vous aviez la possibilité de créer ces moments où on expérimentait la confiance en confiance, parce que justement il y avait des gens qui étaient là pour créer les bonnes conditions. Ça a largement changé, puisqu'on est, ça y est, en 2030 glorieuse. Diane, tu sais, les 2030 glorieuses, c'est pas tout est réglé, c'est pas tout est fini, c'est l'humanité qui s'est mise enfin à la hauteur des enjeux de notre siècle. Et tu sais, le matin quand tu te réveilles, qu'il y a des milliards de personnes qui font ce même travail de se dire comment je me mets au service du mieux, comment quand ma vie se terminera, je me dirai que j'ai eu un impact positif sur moi-même, sur les autres, sur le vivant dans sa globalité, dont on fait partie en réalité, puisque l'humanité, avec humilité, a repris sa place en 2030 glorieuse. On a encore beaucoup de travail, c'est sûr, et des deuils à faire et des catastrophes à sans doute surmonter encore en 2030 glorieuse. Tu vas décider, toi, et t'es pas obligé de nous le dire d'ailleurs, si tu es en 2035, en 2037 ou en 2042, puisque les 2030 glorieuses, c'est une ère avec des décennies qui s'ouvrent, donc on n'est pas obligé d'être là dans quelques années si ça semble être un peu trop proche pour des transformations vraiment ambitieuses, d'accord ? On va parler des 2030 glorieuses au présent, on les décrète, d'accord ? On ne les négocie pas, et si tu utilises le conditionnel, c'est que tu parles de quelque chose très lointain, peut-être en 2070, on en reparlera si on le souhaite. La première question que je te pose, tu es en 2030 glorieuses ou je ne sais pas, tu regardes par la fenêtre, qu'est-ce que tu y vois, toi, depuis tes 2030 glorieuses ? Je vois une multiplicité de lieux qui sont des lieux où viennent se mélanger des gens qui viennent pas forcément tous chercher la même chose sur ces lieux. Il y en a, je sais pas, ils viennent travailler là, d'autres ils viennent faire des courses, d'autres avoir des informations administratives ou autres. Et en fait, ils viennent tous chercher autre chose, quoi. C'est du lien. Ils viennent chercher un truc, ils repartent avec deux, en fait. Et ces lieux fonctionnent tous sur un modèle économique à prix libre, ce qui permet que les stratégies tarifaires ne créent aucune exclusion, en fait. Donc finalement, la question du pouvoir d'achat, c'était quelque chose dont on parlait quand on était petit, à la radio. Mais ça, c'est un concept qui s'est périmé assez vite. On le transmet quand même dans les cours d'histoire économique. Ouais, c'est vrai. Tu te souviens, avant, on disait qu'on était consommateur d'un endroit, consommateur d'une marque, consommateur de... En fait, bah, justement, d'être limité dans notre pouvoir d'achat. Et donc, on n'avait aucune raison de vraiment parler avec les gens, puisqu'on avait chacun nos écouteurs, notre casque sur la tête. On arrivait, paf, on prenait, paf, on payait. Un peine, un bonjour, parfois, même pas un sourire, surtout. Et puis, basta. Alors qu'aujourd'hui, on est obligé de s'intéresser, on est obligé de parler, parce qu'on a compris qu'en fait, le fait d'aller chercher, d'avoir besoin, c'était, comme tu le disais, une bonne raison d'avoir du lien, d'avoir de la rencontre, d'avoir de la surprise, d'avoir de l'inconnu. C'est ça qui nous nourrit aujourd'hui. Ouais. Et puis c'était marrant aussi, quand on était petit, les riches, ils avaient une drôle de place. C'est-à-dire, on disait toujours qu'il y avait plein de problèmes qui venaient d'eux, mais en fait, les gens, ils voulaient toujours devenir riches aussi. C'était marrant, cette contradiction qu'on avait. Et puis aussi, à l'époque, il n'y avait pas... Je sais pas si tu te souviens, mais il y avait pas les... Quand on achetait un produit, une voiture, il y avait pas marqué la structure de coût sur le produit. Et encore, il y a très longtemps, quand tu achetais un produit à manger, il y avait pas non plus les ingrédients. Ça, c'était vraiment... Je crois que c'était à l'époque de nos grands-parents. Ben, nous, quand on était petits, il y avait pas non plus la structure de coût. Et du coup, on savait jamais quelle était la marge de profit que faisait l'entreprise ou l'organisation. On ne savait pas quelle était la part de subvention qu'elle avait reçue. On ne savait pas quelle est la part qu'elle est à ses fournisseurs et tout. On n'avait aucune info et on pouvait se fier que à leur marketing. C'était chaud. Mmh. Hein. Il y a une marque, il me semble, à l'époque déjà, qui faisait ça justement. Elle s'appelait la marque du consommateur, c'est qui le patron ? Et en fait, ils travaillaient à rendre visible justement toute cette structure de coût qui était en fait même décidée avec les consommateurs. Ils décidaient du prix et ils savaient ensuite s'ils allaient donner plus ou moins d'argent, notamment bah, à l'époque aux éleveurs qui vivaient, tu t'en souviens peut-être, très chichement. Ils étaient assez peu rémunérés pour leur travail qui était pourtant fondamental. Mais ça, ça a bien changé, c'est devenu la norme en 2030 glorieuse. Bah oui, en fait, c'est un moment. Je me souviens qu'il avait travaillé avec une commission parlementaire. Ouais. Et ils avaient déposé Nicolas Chaban. Voilà, c'est ça. Caban. Ouais. Ils avaient déposé un projet de loi pour rendre obligatoire la transparence des structures de coûts. Voilà. C'était passé in fine à minuit moins le quart, mais c'était passé quand même. Ouais. C'est marrant, tu dis que quand on était petit, parce qu'effectivement, en 2030 glorieuse, même pour les adultes que nous sommes, plus très frais, on parle de nous, il y a 10-15 ans en arrière, comme des petits, parce qu'on était petits justement dans cette capacité qu'on avait à l'époque à se mettre face à la hauteur des enjeux. Aujourd'hui, grands que nous sommes à regarder les enjeux droit dans les yeux, on parle de nous, de nos anciennes versions comme des petites personnes, mais ça, c'est une petite aparté que je faisais. Tu te souviens, on disait que il y a 15 ans en arrière, on était 15-20 ans en arrière, on était à l'époque de l'individualisme. Moi, je pensais qu'on allait remplacer par l'époque du collectif, mais pas du tout. En fait, on a remplacé ça par l'époque de la confiance. C'est vraiment ce mot aujourd'hui qui est central dans notre vocabulaire, dans nos vies. Ouais, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les discours qu'on avait à l'époque, ils étaient très binaires. Tu sais, fallait plus de liens, moins de solitude. Et à force de voir des gens en burn-out et tout, puis il y a eu un livre clé qui était sorti en 2025 qui s'appelait Le Grand Épuisement, qui a fait prendre conscience que nos... Ah oui, nos... je croyais que tu allais parler du livre que tu avais sorti en 2024, mais non. Non, Le Grand Épuisement de Nelly Ponce, ça avait fait prendre conscience que ce qu'on vit en fait à nos échelles très individuelles, en fait, c'est le signe d'un grand épuisement plus global. Et que finalement, le fait de mettre de côté comme ça, enfin de lutter contre la solitude, c'était comme ça qu'on disait à l'époque, il fallait lutter contre la solitude, on disait qu'il y avait une épidémie de solitude. Comme si genre, c'était une maladie qui touchait une personne sur deux et qu'il fallait faire hyper gaffe de ne pas être contaminé par ça et tout. Et alors, il y avait même des ministères de la solitude qui s'étaient créés au Japon, en Angleterre et tout. Enfin, et t'sais, comme avant, il y avait les ministères de l'armée, bah, il y avait les ministères de la solitude, mais réel quoi. Et en fait, on s'est rendu compte, c'était à la faveur d'une crise qu'il y a eu au niveau politique en France en 2027, on s'est rendu compte que lutter contre la solitude, eh ben, ça faisait que les gens, ils étaient beaucoup moins présents à eux-mêmes. Du coup, ils étaient hyper manipulables par les tribuns, les algorithmes et tout, et que du coup, ils suivaient les meutes, tu vois, mais sans réussir à dire « Non, en fait, ça me va pas, en fait, ça correspond pas à mes valeurs ». Et du coup, ils avaient énormément de mal à s'opposer à des dérives autoritaires, populistes et tout.

Et cette méthode, elle s'est disséminée dans les écoles, dans les entreprises, dans les organisations, etc. A pour accueil, A pour appartenance et A pour action. En fait, on s'est rendu compte qu'en soignant dans nos organisations, l'accueil, comment j'aime être accueilli, comment j'accueille les autres, tu vois, tous les rituels autour de l'accueil, parce que pour bien accueillir les autres, il faut bien s'accueillir soi déjà. Et en fait, pouvoir être accueilli, être disponible, pas avoir besoin de jouer de rôle, s'accepter dans ses vulnérabilités, enfin tu vois, c'est waouh, l'accueil, c'est une sacrée école de la vie en fait, ouais ouais. Donc déjà, travailler sur nos rituels d'accueil. Ensuite, quand on parle de sentiment d'appartenance, de quoi on parle ? Ça c'est hyper puissant parce qu'on s'est rendu compte que dans la société de consommation, c'était tu vois, la petite accroche un peu perverse là, qui fait... qui fait qu'on a envie de se sentir appartenir à un groupe. Alors du coup, tu vois, nous, les marques et les compagnies, quoi. C'est ça, voilà. Et parce que on s'en était rendu compte dans nos restaurants à l'époque autour du prix libre, parce que les gens, quand ils nous disaient, ils étaient près de la caisse, ils nous disaient bon, combien ça vous coûte. Donc nécessité de la transparence sur la structure de coût. Mais ils nous disaient aussi combien donnent les autres. Et ça, ça nous avait permis de percevoir l'importance du sentiment d'appartenance. Et du coup, le sentiment d'appartenance, on s'est dit, mais c'est quoi en fait ? On s'est dit, bah, finalement, on est dans une société qui valorise vachement les rôles de sauveur, tu vois. Mais on s'était aperçu dans ces restaurants que ce qui fondait le sentiment d'appartenance, c'était la capacité à pouvoir dire dans un collectif à quelqu'un, j'ai besoin de toi. Quand je peux dire, j'ai besoin de toi, c'est que là, il y a quelque chose qui est en train de se créer, qui est de l'ordre de la confiance, en fait. Mais c'est dur, c'est très dur. Donc valoriser cette capacité à dire j'ai besoin de toi. Et puis, ensuite directement, la capacité à agir. Parce que l'action, elle nourrit la confiance. Et la confiance, elle nourrit l'action. Donc hop, ça a fait boule de neige. Et comme ça, c'est devenu un levier d'accélération de la transition. Mais et un truc de fou, quoi. Je veux dire un truc de ouf, même. Hein. Ouais. Et à tel point que... c'est ouais, c'était en 2030. Waouh, c'était vraiment très, très émouvant. Là, à ce moment-là, c'était la célébration de la signature de la Convention européenne des droits de l'homme. Et là, en fait, ouais, ça, elle, on a à ce moment-là tous les pays européens, ça faisait 2 ans qu'ils travaillaient sur le sujet, tu vois, depuis 2028. Tous les pays européens ont décidé de rajouter un alinéa dans la Convention européenne des droits de l'homme qui est un texte contraignant, tu vois. Et je vais te le lire parce que je ne connais pas par cœur. Je vais te le lire. Vas-y, je t'en prie. Le droit de toute personne à une vie sociale est protégé par la loi. L'isolement imposé est considéré comme une atteinte, non seulement à sa vie, mais aussi à la qualité de la vie démocratique. Et en fait, ça a été énorme déjà parce que rajouter un alinéa, ça se fait pas tous les matins, voilà. Et voilà. Donc là, c'était déjà un beau travail de coopération entre les chefs d'État. Et puis, à partir du moment où c'était dans un texte de droit à l'échelle européenne, c'est devenu un droit opposable, notamment aux GAFAM et à toutes les mesures étatiques. Je pense au gouvernement tu sais, de ces quelques pays qui sont tombés dans la dérive autoritaire qui se sont trouvés en fait à imposer des comportements mais qui faisaient écho à ce qui s'était passé pendant la crise sanitaire de 2020 hein, quand on empêchait les gens d'aller près de leurs proches en milieu hospitalier parce que bah, y avait tous les risques sanitaires qu'on comprend très bien mais ça a créé des situations dramatiques du point de vue simplement de la qualité de notre humanité. Laisser les gens mourir. Et aujourd'hui, seuls. Tout ça, on le mesure. Tu sais, à l'époque, on avait des agences de notation, mais c'était des agences de notation économique, en fait, et qui avaient comme standard le triple A. Et ben aujourd'hui, ces agences de notation, elles mesurent la qualité du lien. la qualité de la confiance, elle travaille à ça et les pays sont notés, les entreprises sont notées, les villes sont notées en fonction de leur capacité à maintenir ce lien, cette oui, confiance. En fait, c'est devenu un indicateur, c'est ça que j'essaie de dire. Fait, et ce qui a été très marquant à ce moment-là, c'est un événement qui était passé complètement inaperçu pour le coup. C'était dans une école en France qui s'appelle l'EHESS en 2006, je crois, qu'il y a une thèse qui a été déposée par quelqu'un qui s'appelle Cécile Renoir. Un souvenir très précis. Non, mais c'était passé un peu inaperçu du grand public. C'est quelqu'un qui était professeur dans une grande école et qui présidait un lieu qui s'appelle le campus de la transition. Et en fait, elle avait déposé les prémices de ce qui est devenu l'indice de capacité relationnelle. En fait, elle était allée faire des études de terrain au Mexique, au Bangladesh, en Inde, je crois, pour voir en fait qu'est-ce qui se passe quand une société multinationale s'implante dans un pays. Parce que le récit qu'on en faisait à l'époque, c'était que c'était ça créait des emplois, ça créait énormément de richesses, et donc c'était chouette, quoi. C'était un projet sympa. Et en fait, elle s'est aperçue que ce récit-là, il occultait une autre réalité. Et aller regarder tout ce qui relevait de la corruption, de la destruction des solidarités locales, tout ça. Et qu'en fait, finalement, bah, le tissu social, il s'était détricoté. Et du coup, la capacité de résilience, tout ça, du pays, en fait, il y a eu une richesse qui s'était effondrée. Et effondrée sur la durée, bien au-delà, bien après le départ de la société multinationale. Et du coup, c'est devenu un indicateur de capacité relationnelle qui était d'abord dans ces pays dit en développement. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait tous besoin de se développer sur ce sujet. Voire même peut-être nous, les pays dits développés plus que les autres. Exactement, exactement. Ça a rebattu les cartes. Et surtout, ça nous a mis, non pas dans une position de jugement, mais une position de capacité. C'est quoi nos capacités, en fait ? Tu vois, on parlait tout à l'heure du pouvoir d'achat, on pourrait parler du PIB ou tu sais, tous les trucs qu'il y avait à l'époque. Et ben, c'était pas fondé sur nos capacités, en fait. Et là, en fait, en le déclinant non seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle potentiellement d'une métropole, tu vois, taille humaine. Des biorégions, tu sais. Une ville de taille moyenne, des biorégions. Il y a même eu au niveau des lieux, tu vois, même carrément des écolieux et tout. Bah, c'est devenu quelque chose de facile à appréhender pour tout le monde. Et surtout qu'il y avait une déclinaison économique. Parce que c'était super important d'avoir une traduction dans l'économie réelle, tu vois. Et ça a fait un lien très étroit. Bah, c'est à ce moment-là, en fait, que l'Assemblée a voté... l'obligation de la comptabilité CARE, tu sais, pour les entreprises. Capital, ouais, triple capital, parce qu'à l'époque, c'était pas obligatoire. À l'époque, le capital, c'était le capital financier. Il n'y avait pas du tout... Tu sais, pourtant, tu vois, là, on lit Giono, c'est pas tout récent, mais tu te souviens de Ford qui disait ce qui fait la richesse d'une entreprise, c'est sa notoriété et ses personnes. Les hommes et les femmes qui sont dedans. Alors peut-être à l'époque, ils disaient les hommes, tu vois. Mais donc, il avait déjà cette conscience que ce n'était pas du tout juste le capital financier. Et à l'époque, je me souviens, les entreprises considéraient qu'elles avaient fait du profit quand elles avaient remboursé leur capital financier. Dette écologique, dette humaine, tu sais, ce n'était pas le sujet, quoi. Ouais. Mais faut pas juger. C'était une autre époque, on dit. C'était une autre époque avec d'autres règles et d'autres prises de conscience et tout. Donc, et ça, je trouve que c'est une belle réussite qu'on a vécue. C'est de réussir à poser les responsabilités explicites là où elles étaient, mais grâce à ce lien de la confiance, en fait, se dire « mais ma richesse, c'est la relation. Donc je veux vivre une bonne relation avec toi, une belle relation, une relation qui me fait grandir, qui rend juste mon existence plus belle. Et c'est ça qui va être le plus important pour moi. » Et c'est comme ça que, en mettant la confiance comme valeur cardinale, en la comprenant, en arrêtant de l'associer à des notions de risque, de je sais pas quoi, de calcul, de je sais pas quoi, tu vois, et en comprenant que ça a été la seule manière de traverser cette zone d'incertitude qui était devant nous à l'époque, qui nous faisait tous peur, en fait, qui nous faisait tous tellement peur, quoi. Et ben c'est ça qui nous a permis de coopérer et d'avancer. Et de passer cette époque qu'on est en train de clôturer, nous, maintenant, de grand pardon, où on a pu justement se rendre compte qu'on avait besoin d'avoir confiance, même dans celles et ceux qui, à un moment, ont contribué à la destruction du monde et du vivant. En fait, on avait besoin de tout le monde pour vivre cette transition, et la confiance, ça nous a permis d'y aller ensemble. Qu'est-ce que tu fais, toi, Diane, en 2030 glorieuse ? Je vis à la montagne, dans un lieu... où je suis chaque jour en train de remercier la vie pour la diversité des talents, les habitants, notre capacité à apprendre les uns des autres, etc. C'est un lieu dans lequel je peux à la fois accueillir des personnes qui viennent me voir sur des temps de conversation profonde. Donc en fait, j'ai beau être dans un lieu finalement un peu reculé, je suis quand même en lien avec des gens du monde entier, quoi. T'as refusé ce poste de ministre de la confiance qu'on t'avait proposé à un moment ? Mais ça n'existe pas, ministre de la confiance. Ministre de la confiance, c'est les gens en bas de chez moi, en fait. C'est pas des gens dans un ministère, en fait. Non, en fait, moi, je fais vraiment de la politique. Mais je me souviens, à l'époque, on disait que la politique, c'était les partis politiques et tout. Tu sais, c'était la partie vraiment émergée de l'iceberg, mais la plus sonore, en fait, la plus bruyante, un peu, quelque part. Et je me souviens très bien du moment où j'ai pris conscience que la politique aussi, c'était ces milliers de fonctionnaires qui soient des hauts fonctionnaires ou bien des fonctionnaires au guichet de la mairie de leur village, dans la manière dont ils mettent en œuvre les politiques publiques. Qu'est-ce qu'ils font de la politique ? Et eux, ils ont une puissance incroyable, une puissance politique incroyable. Et je me souviens de cet autre moment où je me suis dit « Waouh !» C'est quand j'ai vu toute la partie immergée de l'iceberg de la politique, c'est-à-dire toutes les actions communes qu'on vit au quotidien, toi, moi, nos voisins, les gens qui habitent dans notre quartier, les gens voilà, qu'on ne voit pas. Oui, parce que le mot « politique » en 2030, c'est plus du tout un gros mot, c'est ça que tu veux dire aussi. À l'époque, c'était très mal perçu, ouais, en fait. Et aujourd'hui, on sait que même une entreprise, elle fait de la politique, tu vois. Alors à l'époque, on disait « Ah non, moi, je ne fais pas de politique ». Mais aujourd'hui, plus personne ne dit ça, en fait. Donc, voilà, c'est des mots comme ça qu'on avait oubliés ou le sens, parfois, il dévie un peu. Et en fait, en redécouvrant la joie de faire les trucs ensemble et de le faire dans une atmosphère de confiance, les trucs qui nous paraissaient des montagnes qui ont fait pchit. Et il y a des chemins qui se sont dessinés devant nous. Les gens qui nous écoutent, Diane, ils ont envie de contribuer à cette 2030 glorieuse. Et ils se disent, mais quel est le pas suivant ? Comment je vais pouvoir continuer dès que le podcast va se terminer ? Par quoi je me mets parfois en route ? Par quoi je continue à avancer ? Est-ce que tu as envie de leur proposer une action peut-être, une piste d'expérimentation ? Ça peut être une lecture qui va leur permettre de faire advenir sans attendre cette 2030 glorieuse de la confiance ? Ouais, moi je vais rester sur mes fondamentaux. C'est le repas. Et donc, je vais leur proposer soit de pousser la porte d'une petite cantine, soit, s'il n'y en a pas, d'en monter une à côté de chez eux. Et si ils se sentent pas d'en monter une à côté de chez eux, de regarder s'ils ont pas très loin de chez eux un restaurant collectif, soit dans un EHPAD ou parfois il y a des lieux de sport ou de spectacle où il y a la restauration collective, ou bien dans des entreprises, et de nous mettre en relation avec leurs prestataires, parce que là on va commencer à former les acteurs de la restauration collective au lien social. On le fait avec un chef étoilé et on le fait. On introduit ce petit ingrédient là du lien social pour faire bouger les choses de manière systémique. On n'est pas en 2030, on est en 2025. Hein, là, c'est ça que tu me dis. On est en 2025. Ouais. Et en fait, enfin, le fait qu'il y ait des milliers de personnes qui aient fait ça à travers le repas, ça a fait que la restauration c'est devenu la pointe avancée de l'économie pour accélérer la transition. Parce que t'imagines, bon, nous, à l'époque, les petites cantines, on était un petit moustique, mais on s'appuie sur ces dizaines de milliers de personnes qui travaillent dans la restauration collective et qui peuvent être des acteurs du lien social. Toute la société change en accéléré, sans violence. Merci Diane. Merci Julien. Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 glorieuse. Si vous voulez continuer à muscler vos utopies, rendez-vous sur 2030glorieuse.org pour explorer la galaxie utopiste que nous mettons à votre disposition avec créativité, enthousiasme, humour et amour. Vous pourrez découvrir des méditations utopistes, des livres et pourquoi pas d'autres épisodes du podcast 2030 Glorieuse qui existe depuis plusieurs saisons déjà. Surtout, les 2030 Glorieuses, c'est un atelier d'intelligence collective qui permet de reprendre le pouvoir des imaginaires. Cet atelier peut se réaliser partout en France, voire même en Europe,